son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 418-276-6170. Ici André Guy, maire de Dolbeau-Mistassini. Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour offrir à tous les citoyens des vœux de paix et de bonheur à l'occasion des fêtes. Que cette période propice aux retrouvailles vous permette de passer du bon temps avec ceux que vous aimez. Je vous invite également à faire preuve de générosité envers les personnes démunies pour qui cette période est plus difficile. Enfin, je vous encourage à faire vos achats localement pour contribuer à la vitalité économique de notre communauté. Joyeuses fêtes à tous! On va parler, c'est le temps des fêtes, donc évidemment, on parle beaucoup du livre de Michel Simard, très beau livre qui a été lancé. D'ailleurs, je vous invite à aller à la librairie centrale du secteur de Dolbeau. Il reste encore plusieurs livres. Il y a 700 livres en circulation et après les livres, après les 700 livres, il n'y aura plus de réimpression. Donc, faites vite, c'est un beau cadeau que Michel Simard a fait à la région. Et là, on va, suite à ça, moi, dans le temps des fêtes, j'ai décidé de donner suite à ce livre-là en faisant des entrevues avec des joueurs qui ont marqué l'histoire des Castors de Dolbeau, des joueurs de la région. Et on parle avec un joueur qui est extrêmement populaire, Marc Simard de Dolbeau-Mistassini. Il a tellement été populaire qu'on l'a ramené il y a quelques années avec l'équipe senior. Salut Marc! Salut Denis, ça va bien? Ça va bien. Marc, évidemment, je te dis en entrée de jeu que tu as tellement été populaire qu'on t'a ramené il y a quelques années. Ça avait fait un gros hit, cette affaire-là. Ben, écoute, je ne sais pas si c'était un gros hit. Je pense que ça fait deux ans, là, en fait, que mon concessionnaire me demandait. Puis là, c'est comme je te disais, là, il y a eu une crainte là-dedans parce que je voulais pas me blesser non plus. Puis j'avais. Fait que c'était vraiment. J'avais pris ça à cœur. Je m'étais mis en condition physique. Le but, j'ai été respecté par les gars. Là. Les gars des marquis ont été super fins. Les gars des petits concessionnaires ont été super gentils. Puis c'était une belle expérience. Pour un gars de 55 ans à l'époque, je voulais mettre mon nom sur le line-up. Là, puis tout s'était bien passé, mais j'avais plus la vision que j'avais à 20 ans. Ah non, c'est sûr. Dis-moi, si on parlait un peu de ta carrière, t'as été tellement populaire qu'on t'a ramené. Qu'est-ce qui a fait de Marc Simard un joueur populaire comme ça? Ben à l'époque, ce qui est arrivé à l'époque, à Dolbeau, je sais pas, c'était probablement les combats que j'ai livrés. J'étais quand même un joueur d'impact, là, j'étais un bon joueur, un bon marqueur. Puis, écoute, je vais même chicaner. Ça fait que c'est probablement ce qui a fait qu'on a rempli l'aréna. Puis là, ben, à Dolbeau, ça avait été des années qui avaient été difficiles avant que j'arrive. Puis quand je suis arrivé, là, moi, j'arrivais du junior majeur. J'arrivais au fait. J'avais joué jusqu'au fait avec les Remparts. Quoi, ça, ce qu'il faut comprendre là, dans cette histoire-là, c'est que moi, j'étais un gars de Chicoutimi. Ça fait que j'ai tout joué mon hockey mineur avec les gars de Chicoutimi. Fait que quand je me suis revenu du junior majeur, j'étais allé jouer pour l'AB, puis l'AB, l'équipe a tombé. Ça fait que je me suis ramassé le premier choix de la Ligue junior, puis c'est les Castors qui les avaient. Ça fait que là, c'est comme ça que ça a fait. Ça fait que c'est pour ça que je te dis que c'était pas toujours drôle pour ma mère, des fois, ce qu'il pouvait se dire d'un gradin quand on jouait contre Chicoutimi. C'était tous des parents qui avaient suivi. T'sais, on a tous des gars qu'on avait joué ensemble, puis oui, Bantam. Ça fait que c'était pas évident. Mais suite à ça, ben c'est sûr, il y a eu des bons joueurs aussi à Dolbeau, là, tu comprends? Ça fait que moi je me rappelle au début, là, quand Robert Sandil avait mis Marc Simard avec Martin Bouliane, ça faisait un mois qu'on pratiquait ensemble, on se voyait pas, on était pas capable de se trouver. Écoute, ça allait pas bien, là. Mais à un moment donné, là, quand le mix s'est fait, Robert insistait, à un moment donné, quand on a fini par se trouver puis de jouer de la bonne manière, là, je pense que les résultats C'est là que ça a commencé. Là, ça s'est mis à jouer, puis c'était, les victoires se sont accumulées. C'était bien plaisant. Ah oui, effectivement. Puis, tu as eu plusieurs bagarres aussi dans le temps avec les castors. Parle-moi de tes anecdotes. Moi, on parle de Martin Boily que tu aurais mangé une maudite volée. Est-ce que c'est vrai? Écoute, je peux pas te dire si j'ai mangé une volée. Je pense que je vais laisser ça au monde de décider ce qu'ils ont vu. Mais je peux dire une chose, Danny, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que j'étais un gars de... Je pesais pas 170 livres. OK, donc t'étais pas... Non, moi, j'étais en bas de la moyenne. Là. Dans la chambre d'hockey des castors, si tu rentrais dans la chambre des castors, là, puis le gars qui connaissait personne, c'était pas Maximo Durocli, parce que je mesurais 5 pieds et 9 pouces, puis je pesais pas 170 livres. Fait que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, là, dernièrement, j'ai rencontré Steve Tremblay. J'avais dit à Steve, tu sais, Steve, c'est temps à refaire, arrête-moi un hockey différent. Puis là, ouais. Steve m'a dit, Marc, j'aurais pas voulu que tu joues un hockey différent, parce que nous autres, là, on avait le champ libre. Quand t'étais sur la glace, là, le dur à cuire, on sait que c'était avec toi qui allait régler ses comptes. Puis nous autres, on avait le champ libre. On avait le beau jeu. On jouait, puis c'était bien plaisant. Mais si tu me demandes, pour revenir à Martin Boily, si tu me demandes si Maximor a eu peur de Martin Boily, j'avais une peur bleue de ce gars-là. Ah ouais. Comme j'ai eu une peur bleue, d'un ami de tous les gars avec qui je me suis chicané. Quelqu'un qui dit qu'il allait se battre puis qu'il avait pas peur de personne, c'est un menteur, à mon avis. J'ai eu peur de tout le monde. Écoute, là, moi, j'arrivais, là, les gars, ils allaient à l'école à Alma, au cégep ou au collège à Alma, ils allaient à Chicoutimi. Les gars arrivaient durant la semaine dans une pratique, le mardi, ils me disaient, Marc, ils sont allés en chercher un vrai. L'amoureux, Luc de l'amoureux de Chibougamau, 6 pieds, 4 pouces, 230 livres. C'est un solide, tu verrais le monde. Eux autres, ils le voyaient à l'école, tu comprends-tu, là? Ouais. Là, les aiglons d'Alma avaient été le chercher pour Maximor. Fait que là, eux autres, là, n'avait pas de stress. Mais moi, là, il fallait pas que je démontre que j'avais peur. Fait que, mais si tu me dis, quand je regardais le gars au face-off qui venait s'installer à côté de moi, ben, j'avais du peur. J'avais peur, ça l'a fait terrible. Okay. Mais je pense que là-dedans, c'est le respect. C'est le respect. Je me rappelle des anecdotes. Écoute, moi, c'était Martin Boily-là, j'y ai fait face. J'ai jamais reviré contre Luc Lamoureux, excuse. J'ai jamais reviré contre Luc Lamoureux. Puis, on y est fait face, bing-bang, bing-bang. Puis je le rencontre une fois, j'étais au bord de danseuse à l'époque à Albanel. Il y avait un bord de danseuse à Albanel, my God. Ben, c'était-tu Albanel ou à Normandin à l'époque? Il y a un bord de danseuse à Albanel. En tout cas, bref, peu importe. Hey. C'est aucun... En tout cas, je me rappelle, c'était en avant chez... En tout cas. Puis là, ben, Luc Lamoureux arrive là avec deux gars. Ouais. Puis là, ben, il vient me voir et il dit, c'est-tu toi, Maximor? J'ai dit oui. Il dit, ça te tente-tu de sortir dehors? On va régler ça. Je peux te dire que j'ai pas sorti. Okay. J'ai dit, à un moment donné, tu sais, Rambo, là, c'est un film, mais moi, là, j'avais des limites, là, c'était tout un monde. Puis après ça, Luc a joué avec nous autres. Mais c'est ça, tu sais, l'histoire, pour en venir à Dave Lassalle, à Martin Boily. Tu sais, Martin Boily, quand j'ai joué le petit concessionnaire, il y a deux, trois ans, il m'a envoyé un mot, Marc, sois prudent, puis je suis content. Fait qu'il y a un respect là-dedans, là, qui est. Puis moi, tous ces gars-là, là, je te dirais, là, Dave Lassalle, là. Dave Lassalle, c'est-tu l'ancien joueur des Saguenayens? Tu vois que les Saguenayens sont. Oui, exactement. Okay. Tu sais, comment est-ce qu'on s'est affronté? Il y a eu peut-être 15-20 combats avec Dave Lassalle. Tu sais, qui a gagné, qui a perdu. Je laisse le monde décider. Mais je peux te dire une chose que. Je sais une chose, c'est que des fois, j'ai marré des bons coups de poing, Danny, là. J'ai sûrement été sonné parce que je me rappelle que des fois, j'arrivais pour sortir du banc, puis j'étais dans l'équipe adverse. J'étais pas à bonne place. Est-ce que tu as des séquelles de ça aujourd'hui? Parce que les batailleurs dans la Ligue nationale, ils ont souvent des séquelles. Est-ce que toi, tu as eu des séquelles de ça? Oui, j'ai des. Tu sais, comme les noms, je suis pas capable de retenir un nom aujourd'hui. J'ai des gros mal de tête aussi, c'est sûr et certain. J'ai des mal de tête terribles. Tu sais, quand même, je te dirais, là, des fois, j'arrivais sous le banc à niveau du sein, c'est parce que ça avait cogné à quelque part, tu sais. J'ai 6 opérations dans le genou gauche, puis là, je viens de sortir d'une résonance avant hier. Fait que là, ils vont m'opérer, là. Ils me mettent un genou de teflon. Je suis en attente d'une hanche de teflon. Tu sais, mon corps, je l'ai mené dur, là, quand même, je te dirais. La seule affaire que j'ai pas eu cassée, c'était le nez. Okay. je suis assez fier de ça. Tu sais, il faut le faire pareil. Dans la Ligue nationale, il y a des joueurs qui sont morts, puis il y a des joueurs quand même qui ont fait la même job, qui sont morts, qui ont eu des commotions cérébrales et ainsi de suite. Mais en tout cas, ils ont gagné quand même, ils ont gagné leur vie, très bien leur vie. Mais vous autres, là, c'était pas le cas, là. C'était. Non. Il fallait le faire, faut le faire pareil. Fais ce que vous avez fait là. Exact. Puis moi, Danny, là, ce qu'il faut comprendre, quand je suis arrivé là, à Québec, là, tous les remparts de Québec à 17 ans, là. Tu sais, là, mon père était extrêmement sévère chez nous, c'était l'armée. Là. Moi, des hot dogs, il apprenait une game d'hockey, puis un coach n'avait pas oublié ça. Là. Mm. Fait que quand j'arrivais dans le camp d'entraînement à Québec, là, il y avait quatre, Élie Edouard, c'était quatre vétérans. Fait qu'il n'y avait pas de place pour une recrue. Là. Mm. Fait que j'étais le troisième à signer mon contrat dans le camp d'entraînement, on était 125 joueurs. Puis dans ce temps-là, il y avait les frères Robert, Mario Robert, Serge Robert. Ouais, ouais. Tu sais, Mario qui joue pour le Canadien de Montréal. J'ai des articles chez nous, là. C'était deux, trois fois par match, bing, bang, je les sentais pas dans ce temps-là. Mais après, on est allé voir. Après ça, j'ai resté là. Mario, il a continué. Après, je n'aurais jamais été m'en battre avec ces gars-là, parce qu'après, eux autres, ils ont développé. Mais, tu sais, Mario Robert, quand je l'ai rencontré pour aller le féliciter, il m'a invité à des matchs de hockey du Canadien. Non, fait, le respect, c'est... Ouais. On dit qu'il y a un respect entre les joueurs, donc j'imagine que c'est la même... Ben, tu sais, dans une sens, on dit que il y a le respect, j'imagine que c'est la même chose, là, tu sais, dans... C'est pas vraiment pire encore, parce que vous autres, vous gagnez pas des millions de faire ça. C'était... Ben, exactement. Ouais. Mais te dire que ça nous apporte d'autres choses. Tu sais, moi, le hockey m'a beaucoup apporté. Tu sais, comme Dave Lassalle, là, j'ai rentré dernièrement. Dave, il est rendu pour Rio Tinto, il est haut placé. J'ai rentré le garçon d'un de mes chums là, qui vient de rentrer. Fait que c'est toujours important de garder un bon contact avec ces gars-là. Ouais. Puis quand on les rencontre dans un restaurant, tout le temps plaisant d'aller le serrer à la main, puis comment ça va, prendre des petites nouvelles. Mais je te dire que il y a peut-être un gars que j'ai pas de respect dans cette ligue-là. C'est un gars de Metabetron que je nommerai pas son nom. J'ai mis fin à ma carrière. Ben, des castors m'ont sorti suite à cette altercation-là, qu'aujourd'hui, je regrette énormément. Mais, comme je te dis, si c'était à refaire, là, il y a bien des fausses qui auraient changé. Est-ce que tu étais un joueur indiscipliné? Parce que je voyais quand même des 200 minutes, des 300 minutes de pénalité. Tu étais un joueur qui était capable de marquer des buts également. Mais souvent, les joueurs indisciplinés, sur la glace, ils prennent des punitions stupides. Est-ce que tu étais capable de te contrôler dans des moments critiques? Pas du tout. Okay. J'étais très indiscipliné. Je pouvais mettre fin à un match, là, comme je pouvais faire gagner un match, comme je pouvais mettre fin à un match. Ça décidait comment est-ce que... J'étais sur un high, tu sais. J'étais vraiment craqué. Je marquais un but. Ça faisait comme deux, trois buts que je manquais. Puis là, j'en marquais un. Finalement, je pouvais casser mon hockey. Au lieu de sauter au plafond, j'étais fâché parce que le but ne m'aimait pas. J'étais un showman. J'étais beaucoup, beaucoup showman. Je prenais beaucoup de place. C'est pour ça que je te dis, j'étais sûrement pas aimé de tout le monde parce que je prenais beaucoup de place. Tu comprends, là? OK. Parce qu'il y avait il y avait des bons joueurs aussi dans l'île. Il faut comprendre. Tu sais, moi, à mon avis, gars comme Pierre Rosselin, Steve Tremblay, on en revient. Larry Adam, c'était. Tu sais, j'ai eu ces gars-là aussi qui m'ont énormément aidé. Si j'avais pas eu ces gars-là, Martin Bouguian, là, tu sais, on avait des bons gardiens de but, là. Tu sais, oui, on a, dans ce temps-là, c'était pas compliqué. On avait 2-3 combats de boxe, puis t'étais sorti du match. Okay. Fait que moi, la plupart du temps, je faisais mes 2 combats. Okay. Et en plus, la direction de la Ligue, juste pour finir, la direction de la Ligue, fait quand j'arrivais, j'étais tout le temps suspendu indéfiniment. Ça paraissait gros, maximum suspendu indéfiniment, mais ça durait une partie. Les dirigeants de la Ligue me rencontraient, me disaient, Marc, ça n'a pas d'allure, là, il faut que tu te calmes un peu, puis on ne peut pas te suspendre 4-5 matchs, les arénas sont vides. Quand tes castors vont à Dolbeau, vont à Jonquière, t'es pas là, mais il n'y a pas un choix à Jonquière. Fait que là, on peut pas te suspendre un défi. Fait que là, on va te suspendre un match, mais reviens-nous. Là. Marc, c'est pas bon, faire une pause, puis on va parler de qu'est-ce qui t'a amené à Dolbeau. Vous êtes à l'écoute d'une entrevue maximale sur les ondes de danadosport.com. Le propriétaire des magasins Sport Expert de Robertval et de Dolbeau-Mistassini, M. Stéphane Leroyer, souhaite un joyeux Noël et une bonne année à toute la population et remercie la clientèle qui l'a encouragé tout au long de l'année qui se termine. Soyez prudents et amusez-vous avec vos proches. Sport Expert à Dolbeau-Mistassini et Robertval au numéro de téléphone 418-276-3010 ou encore le 275-3744. Ici Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est un moment unique pour passer du temps avec nos proches. Profitez-en pour vous ressourcer et n'oubliez pas d'encourager nos commerçants locaux pour vos achats. Joyeuses fêtes et bonne année 2022. Tout le personnel et la direction de Dolbo Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population. Que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbo Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, à Dolbo-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. On est de retour à danadosport.com. On a Marc Simard, qui a été un joueur extrêmement populaire chez les Castors de Dolbo dans les années 80. Tellement populaire qu'on l'a ramené. Marc, on l'a ramené il y a quelques années. Marc, qu'est-ce qui t'a amené à Dolbo? Tu jouais pour... T'es un gars de la Terrière. Oui. Qu'est-ce qui t'a ramené? Pourtant, ça marchait par territoire en ce moment-là. Oui, ben moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, quand j'ai ouvert les remparts, ben, j'ai fait Pee-Wee Bantam à Chicoutimi. J'ai roulé mon budget à Trois-Rivières 2 ans. Okay. Puis j'étais une demi-saison à Québec. Mais quand je suis parti mon budget 3, la grosse équipe, c'était National La Baie Junior Régional. National La Baie avait tout le temps les grosses équipes. Chicoutimi, ça allait nulle part. Fait que quand les remparts, ils ont dit, Marc, on va te retourner à Chicoutimi, au fait, tu vas jouer une coupe de game, de toute façon, on va voir. Là, j'ai dit non, on va pas à Chicoutimi, je m'en vais à la baie, c'est la baie des grosses équipes. Mais ça avait, le vent avait viré. J'ai rendu Chicoutimi qui avait des grosses équipes, puis la baie n'est nulle part. Fait que là, moi, je le savais pas. Fait qu'en arrivant là, là, j'étais déprimant. Si j'arrivais du majeur, les gars fumaient des cigarettes entre les périodes d'infant. Là, tout ce que je suis rendu, ça a déchéant. Là, on a fini la saison. L'équipe a tombé à terre. Puis là, j'ai tombé le premier choix de la Ligue junior régionale. Okay. Puis c'est Dolbo qui m'ont repêché. Au début, ils m'ont dit, bon, ben Marc, on te repêche, mais on t'a échangé, t'es échangé au centre de Robert Ball contre un montant d'argent. Puis finalement, ça s'est jamais fait, cette transaction-là. Dolbo a décidé, surtout au camp d'entraînement, de me garder à Dolbo. OK. Ah ben. Fait que c'est comme ça. Mais je me rappelle d'avoir pris l'autobus puis demander 3 ou 4 fois au chauffeur, écoute, je suis rendu à Dolbo. Non, je vais te le dire, mais tu vas y aller à Dolbo. C'est-tu Yvon Mascotte qui était l'entraîneur dans le temps? Yvon en dernier. Moi, le premier entraîneur que j'ai eu, c'était Robert Sasseville, que j'ai adoré. Okay. Puis après ça, on a eu Pierre Lavigne. Qui était à Alma, qui était un gros. Mais Pierre en dernier était sur un divorce, puis moins intéressé. Ils sont allés le chercher. Je me rappelle quand... Écoute, on a viré des bonnes brosses. Puis là, Pierre, ben, on le rentrait à 5h, 6h du matin, aller débarrer l'aréna, aller le coucher dans la chambre des joueurs le samedi matin, mettre un gant sur la tête, puis reboire ça. Puis moi, on allait se coucher, puis le soir, on allait repratiquer. Fait que, petit clin d'œil, puis c'était notre pratique le samedi soir. Fait que c'était, c'était des bonnes années. Puis après ça, ben, ils ont été permis. Je lisais dans le livre que 30% en 81-82, Claude Lucie avait écrit un livre comme de quoi qu'il y avait 30% des joueurs qui étaient sur la dope. Quand on parle de dope, c'est marijuana. Est-ce que tu y crois? Ben, moi, je peux pas te dire. Là. Moi, Chicoutimi, je sais que j'ai eu connaissance de hockey mineur. Chicoutimi, il y a eu beaucoup, beaucoup de drogue, Jonquière. Mais moi, je peux te dire, c'est ce qui m'a impressionné. Quand je suis arrivé à Dolbo, on n'entendait pas parler de ça. Honnêtement, on n'entendait pas parler de ça. Pendant tout, moi, c'est ce qui... Les gars prenaient une bière, par exemple, parce que moi, quand je suis arrivé, quand je te dis, mon père était extrêmement chez nous, c'était l'armée, moi, je me rappelle, je restais à l'hôtel Milo à l'époque, j'étais logé à l'hôtel Milo. Je prenais une petite bière au tournavire, puis après ça, je prenais une au studio 44. C'était là que ça se passait. Hein. Okay. Puis là, à 1h, je disais, hey, les gars, je m'en vais, je suis bien chaud. Les gars, il y a une semaine, les gars, tu marques une bière, tu mords une bière, puis il est bien chaud. Fait que les gars riaient de moi, mais après, là, le temps s'est rattrapé. La dope, je te dirais, honnêtement, on parle plus de marijuana. Je n'ai pas touché à ça. Mais j'ai pas eu connaissance que des gars des castors s'en niaient là-dedans non plus. OK. Dis-moi, quand tu dis j'aurais fait des choses différemment, qu'est-ce que tu aurais fait différemment aujourd'hui? Ah, ben écoute, là, je sais que mon avant-dernière saison, avant que je sois sorti par les castors, je me rappelle d'une série, quand je me suis mis à jouer du hockey, puis que là, il n'était plus question de me déconcentrer. On avait gagné le championnat à Alvida. Écoute, j'ai fini avec 17 points d'avance sur le deuxième marqueur de la Ligue. Là, Il n'y a pas eu une minute de punition qui s'est pris dans la série. Les gars, là, ils m'assaillaient. C'était non, je vois du hockey. Il y a eu, je te dirais, envers les arbitres, là, fils des gagnés de ce monde. C'est à refaire, là. J'ai tellement été polisson, j'ai tellement été détestable. Ouais, c'est à refaire. Regardes, ouais, mais là, t'as 55-56 ans, donc tu regardes ça avec un œil de 50-56. On pense pas tout pareil, hein? Non, c'est ça, exactement. Tu sais, j'aurais pu être un ambassadeur. J'aurais aimé, si tu me parles aujourd'hui, c'est que j'aurais aimé. Parce que j'ai des enfants maintenant, enfants ont 22-23 ans. Aujourd'hui, je parle à mes enfants. C'est sûr que j'aurais aimé être un ambassadeur dans cette année-là. Mais, tu sais, j'ai pas l'impression d'avoir été l'ambassadeur que j'aurais dû être. Mais regarde, tu sais, je vais être influençable. Je rencontrais tout le monde dans les rues. Marc, on va te voir à soir, tu te bats à soir. Fait que tout le monde, la commande était là. J'étais, tu sais, il veut pas. C'est pas de la faute aux autres, c'est de ma faute à moi. Mais si tu me demandes ce que t'as à refaire, c'est sûr que j'ai été beaucoup plus poli envers les arbitres. En frais d'hockey, là, j'aurais fait plus attention. Tu sais, je me mets dans le coup d'un jeune de 18 ans quand la Ligue te dit on peut pas suspendre, les arénas sont vides. J'imagine que la tête commence à grossir. Oui, la tête était grosse, puis je te dirais, là, il y a quand même l'aspect là, qu'il faut pas oublier. J'ai eu quand même 2 ou 3 ans le joueur le plus utile à son équipe, le trophée de la Ligue. C'était quand même. Puis je me rappelle d'une année sur une statistique, là, j'avais fini premier marqueur de l'équipe avec Martin Bouliane. Martin avait plus de buts que moi, mais le même point. On avait le même nombre de points tous les deux. Martin avait été nommé le plus gentilhomme avec 7 minutes de pénalité dans l'année. Tu vois, 300 minutes, genre? On en avait deux. Okay. 300 minutes, fait que tu comprends? 300 minutes de pénalité pour ça. Ouais. Ouais. OK. Est-ce que les Sags sont approchés dans le temps pour... Parce que j'imagine que dans le temps-là, le hockey junior régional avait quand même une... T'sais, il y avait même des matchs des étoiles à un moment donné dans ce temps-là entre les Saguenayens et la Ligue junior régionale. Est-ce que tu as eu l'occasion de jouer pour les Sags un match ou deux? Non? Oui, bien, moi, la transaction s'est faite, en fait, parce que moi, quand je suis arrivé, là, à un moment donné, là, mais elle s'est faite tard. Tu sais, je pense qu'à 19 ans, moi, Sylvain Simard, le capitaine des Saguenay Chicoutimi, m'avait demandé si j'étais intéressé d'aller jouer pour les Sags. J'avais dit ben oui, je suis intéressé. Mmh. Puis là, la transaction s'est jamais faite parce que les remparts avaient été trop gourmands apparemment là, dans les échanges qu'ils demandaient. Puis là, l'année d'après, pouf, au fait, là, on me dit la transaction est faite. Marc Simard était changé au Saguenay Chicoutimi. Mais junior majeur, là, c'est des pratiques intenses. Là, c'est à tous les jours, c'est 1h30 de patin, puis... Là, moi, on jouait, nous autres, c'était du scrimmage le mardi, puis le samedi, ben c'était un petit peu de scrimmage, puis on brossait, puis écoute, quand je suis arrivé aux fêtes, là... C'est différent, ouais, OK. Non, puis quand je suis arrivé aux fêtes, Danny, là, écoute, là, moi, je me rappelle la première pratique, ça pourrait être 10 minutes, puis là, on demande à Sylvain Simon, ça achève-tu? Il dit, mais non, Marc, ça commence. Il faisait le souffle, la langue traînait sa patinoire, il manquait mourir. Puis là, ben, on a commencé le match contre Shawinigan. Ronde la pointe, quand lui est arrivé, parce que moi, ce qu'il faut comprendre à Québec, les remparts de Québec, quand j'ai joué jusqu'au fait, c'était Claude Meunier. Claude Meunier ne jurait que pour Marc Simard. Puis quand Ronde la pointe est arrivé, c'était un gars, lui, il voulait des gars de 6 pieds. Lui, c'est tout ce qui l'intéressait. Fait que Ronde la pointe était rendu de coacher Shawinigan. Fait que j'arrive contre lui. Fait que là, le match est joué, on a gagné 2-1. J'ai une pause, je jouais avec Marc Fortier. Je viens de passer sur le plus gagnant. Marc Fortier qui joue pour les Saguenayens? Oui, c'est exactement. C'est mon collaborateur avec Marc. Marc Fortier. Donc, Moi, j'ai joué avec Marc Fortier puis Marc-Marcel Kiewicz. On était trois à la patinoire. Marc Bergevin, tu as joué avec? Non. Non, okay, parce que Marc Bergevin joue pour les Sags. OK. Ouais, moi, j'ai joué avec Michel Therrien. Michel Therrien puis les Remparts de Québec, c'était mon grand pote. On était tout le temps ensemble. OK. Fait que là, pour en revenir à. C'est ça. Fait que là, ben, Ron Lapointe, quand il a vu ça, il a envoyé son dû. Là, je peux dire, j'ai marre de voler. Ah ouais. À Shawinigan. Okay. J'avais plus de souffle, je suivais pas. Tu sais, quand même, que tu voulais, c'était pas le même calibre, j'étais pas en forme. Là, je m'étais fait déclasser, pas à peu près. Sylvain Simon a dit, Marc, tu vas le repogner. Comment tu veux le repogner, Sylvain? Je suis au bout. Je peux pas être plus au bout que ça. Ouais. Fait qu'après ça, là, j'avais décidé de revenir à Delbo parce que dans ce temps-là, je travaillais chez Coca-Cola comme livreur. On était en première position avec des castors, puis les Sags étaient même pas sûrs de faire les séries. Plus de chance d'être repêché. Ça me donnait plus rien. Là, ça avait été, j'avais été maltraité un petit peu, là, des médias, là, des journaux, là. Il y a pas une, pas une journée qu'il parlait pas de. Tu sais, il avait été déçu que j'avais. Pour une fois qu'il y avait un gars de la région qui avait été demandé par les SAG, il détournait là. Ouais. Mais tu sais, ça me donnait plus rien. Okay. C'est que ça, okay. J'avais décidé de me revenir à Dolbeau. OK. Ben, Marc, c'est toujours. Oui, continue. Ben, c'était pour dire, oui, que la transaction avait été faite, puis oui, j'avais roulé les sacs, mais j'ai joué un match. OK. Donc, au moins, t'as joué. Moi, c'est souvent ça. Tu peux au moins. Oui. Marc, merci beaucoup. C'est pas mal le fun d'avoir été nouvelle. On avait parlé pour une couple d'années quand tu avais joué avec le match avec le multiconcessionnaire, mais c'était pas dans le même contexte. As-tu vu le livre? As-tu eu la chance de le lire, le livre? Pas du tout. Écoute, j'ai parlé avec Paul Ménard la semaine passée. Ouais. Raison. Puis là, ben, je viens d'avoir la lettre que Paul m'avait envoyée pour aller voir le nouvel amphithéâtre, puis tout ça. Fait que là, j'ai dit, Karine, fait que c'est sûr que là, tu me dis, parce que je voulais parler avec Michel Tifo pour avoir le livre, puis là, tu me dis qu'il l'a en librairie. Fait que moi, je vais monter à Dolbeau la semaine prochaine, parce que moi, mes gars, là, moi, je suis représentant des monteurs d'acier et de structure dans toutes les compagnies Citroën-Saint-Jean. Okay. Fait que GBL, structure GBL à Dolbeau, c'est tout mes gars. Fait que je vais passer, va lui dire salut aux gars. Fait que probablement qu'il va le ramasser dans la librairie. Ça dépend, c'est un lecteur. J'ai pas joué, puis ça m'intéresse. C'est vraiment, j'ai trouvé ça beau comme livre. J'ai trouvé ça, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Il y a 400 pages. C'est 400 pages, puis il y a 600 photos. Ah, ben, j'ai bien hâte de. C'est sûr que je vais me le procurer, puis j'ai bien hâte de. C'est 60$ bien investi, m'a dit une affaire, là, puis tu apprends beaucoup sur la Ligue Junior Régionale. Ben, Marc, je te souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année. Toujours intéressant de te parler, au plaisir de se reparler. Hey, merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Voilà, bye. Marc Simard de Dolbeau-Mistassini qui a joué pour les Castors dans les années 80.